Voyons d'autres petites choses avant de se dire adiós. Quelque chose se dit algo, A-L-G-O. Mais savez-vous comment on dit rien? Ça commence par un N. C'est nada, N-A-D-A. Quelqu'un se dit alguien, A-L-G-U-I-E-N. Et personne, nadie, N-A-D-I-E. On a donc algo, nada, et alguien, nadie. Algo, nada, alguien, nadie. Donc, comment diriez-vous? Je n'ai vu personne ce matin. Le nom d'une personne apparaît ici après le verbe. Il faut donc utiliser « a » entre le verbe et « personne ». Dites-moi alors, je n'ai vu personne ce matin. No he visto a nadie esta mañana. No he visto a nadie esta mañana. Maintenant, comment diriez-vous, en utilisant toujours le passé avec plongeoir, quelqu'un a vu quelque chose? Alguien ha visto algo. Alguien ha visto algo. On pourra vous répondre alors, no, no hemos visto nada. Non, nous n'avons rien vu. Maintenant, un, pour décrire quelque chose d'indéfini, comme dans « un jour tu le comprendras », se dit « un », U-N, ou « algún », A-L-G-U accent aigu, N. Traduisez-moi alors l'exemple que je viens de donner. « Un jour, tu le comprendras ». Algún día lo comprenderás. Algún día lo comprenderás. On aurait pu dire aussi un día lo comprenderás. Je vous rappelle que día est masculin en espagnol, malgré le a. Pour rendre cette idée indéfinie, on peut aussi employer le mot quelqu'un en français. Celui-ci se traduit également par algún devant un mot masculin singulier et alguna devant un mot féminin singulier. Au pluriel, on a « algunos » et « algunas ». On peut traduire ces mots par « quelqu'un hein, » avec un « s » ou aussi par « des » ou « certains hein, »,« certaines » au pluriel. On aura par exemple « algunos libros »,« quelques livres »,« algunas personas »,« quelques personnes ». Le contraire de « algún » est « ningún », N-I-N-G-U accent aigu N, qui signifie aucun. Dites-moi alors, il n'y a aucun problème. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Problema étant un nom masculin singulier, on a utilisé ningún. No hay ningún problema. Il n'y a aucun problème. Pour dire aucune, on emploie ninguna. Lorsqu'aucun est un pronom, c'est-à-dire lorsqu'il remplace un mot ou groupe de mots désignant une ou plusieurs personnes, on emploie ninguno. Donc, dites-moi en utilisant varios, V-A-R-I-O-S pour plusieurs, j'ai invité plusieurs amis, mais aucun n'est venu. Vous direz donc littéralement, j'ai invité à plusieurs amis, mais aucun n'est venu. Invité a varios amigos, pero ninguno ha venido. Invité a varios amigos, pero ninguno ha venido. On dit donc ninguno ha venido pour aucun n'est venu. Revenons sur le mot nadie, qui signifie personne. Comment diriez-vous maintenant je ne connais personne à Madrid? Attention, il faut utiliser un petit mot entre le verbe et personne. No conozco a nadie en Madrid. No conozco a nadie en Madrid. Mettez toujours un A entre le verbe et un nom ou un groupe de noms désignant une ou plusieurs personnes. No conozco a nadie.